Chapitre 15. Laetitia, absente depuis une quinzaine de jours, revint le lendemain. Elle apparut à l'heure du déjeuner et Lionel l'accueillit avec de grandes démonstrations d'amitié. « Moi aussi, je suis contente d'être revenue, dit-elle. Mon laboratoire me manquait. » « J'ai bien travaillé pendant que tu n'étais pas là, dit Lionel, et j'ai mis au point un nouveau parfum. J'en ai donné un échantillon à grand-mère qui le trouve parfait. »« Exquis, déclara Madame de Camparène. Si tu avais besoin de gagner ta vie, tu ferais fortune en montant une fabrique, dit Laetitia. Mais le travail d'amateur te suffit. Mao est-elle plus souffrante que je ne la vois pas ?»« Mao ne va pas du tout, répondit Lionel d'un air chagrin. » Les sourcils de Laetitia se rapprochèrent et ses yeux parurent s'assombrir. « Ah, qu'a-t-elle donc ? Une grande faiblesse, des maux de tête, nous sommes très inquiets. »« Très inquiets, répéta Gemma, d'autant plus que les médecins ne savent qu'en penser. »« Ah ! Dit encore Laetitia. Après un court silence, elle ajouta « J'irai la voir cet après-midi. » Gemma se trouvait près de sa sœur quand la comtesse Camparini fut introduite dans le petit salon de Mao. Elle s'assit près de la jeune femme, s'informa de sa santé, de ce qu'elle ressentait. Tout en parlant, elle regardait la corbeille de fleurs posée près de Mao. À un moment, elle étendit la main, prit la grande rose couleur de feu, l'approcha de ses narines. Gemma crut la voir pâlir. D'un brusque mouvement, elle se leva, alla à la fenêtre, l'ouvrit et lança la rose dehors. Mao jeta une exclamation. « Que faites-vous ? » Laetitia referma la fenêtre et revint près de la jeune femme. Oui, réellement, elle avait pâli. Sa voix, cependant, restait calme et glacée, tandis qu'elle disait « Vous allez me promettre, Mao, de ne plus toucher à aucune de ces roses et de les traiter comme je viens de le faire. » Mao ouvrait des yeux stupéfaits. « Mais pourquoi ? Ne me demandez pas d'explication. Faites ce que je vous dis, simplement, si vous voulez que votre santé se remette. » Et comme si elle craignait de nouvelles questions, elle sortit brusquement de la chambre. « Mais que lui prend-il ? Mais que lui prend-il ? » répétait Mao. Gemma frissonnait un peu sous la poussée de l'émotion. Elle essaya de raffermir sa voix pour répondre. « Tu vois ce que je te disais, ce parfum est mauvais pour toi. Il est certainement cause de tes malaises et donne à Laetitia l'a compris aussitôt. » « Ça, par exemple, en tout cas, elle aurait pu s'y prendre d'une autre façon. » Gemma s'efforça de sourire. « Avec toi, ma chérie, un peu rétive, il est bon d'agir avec décision. Tu n'as pas voulu me croire quand je te disais de ne pas respirer constamment cette fleur. Mais enfin, le parfum des roses n'a jamais passé pour être nocif. Tu me parlerais de tubéreuse, encore, ou autre fleur aux arômes analogues. Mais une rose, c'est un produit nouvellement obtenu. N'as-tu pas remarqué que le parfum en était changé depuis un certain temps ?» Après un instant de réflexion, Mao déclara « Oui, c'est vrai, les premières n'avaient pas le même parfum. Je ferai remarquer à Lionel. Peut-être vaudrait-il mieux que tu ne lui parles pas de cela. Il serait mécontent de savoir que l'on jette cette rose à laquelle il attache un si grand prix et qu'il réserve pour toi. Oui, tu as raison, je ne dirai rien et la jetterai moi-même quand il sera venu me voir. » Mais je persiste à croire que c'est là une idée bizarre de Laetitia. Mieux vaut, en tout cas, faire ce petit sacrifice pour n'avoir rien à se reprocher. D'ailleurs, je crois que l'avis d'une femme comme Donna Laetitia, intelligente et ayant fait des études très poussées, n'est pas à dédaigner. Évidemment, et je voudrais tant guérir, ne plus sentir cette affreuse faiblesse, ne plus souffrir de ma pauvre tête. « Mais c'est vraiment bien singulier pour cette rose. » Oui, plus que singulier. En présence de sa sœur, Gemma avait pu garder un air à peu près normal par un grand effort de volonté. Mais quand elle fut revenue dans sa chambre, l'angoisse qui l'étreignait se refléta sur son visage. Cette rose, ce parfum inaccoutumé, Elle n'avait osé demander à Mao depuis quand elle s'était aperçue de la différence, de peur d'éveiller sa méfiance. Était-ce à partir de ce moment qu'elle avait commencé à sentir quelque atteinte dans sa santé? Et alors? Alors? Gemma frissonna. Qu'allait-elle penser là? Le timbre de la pendule sonnant 5 heures la fit tressaillir. Monsieur de Camparennes devait l'attendre dans la bibliothèque pour modifier quelques passages sur les dernières épreuves envoyées par l'éditeur de familles nobles de Provence. Quand elle entra dans la grande pièce éclairée par 2 lustres, elle vit Salvatore assis près de son grand-père. Il se leva pour la saluer et, en rencontrant son regard, elle y vit une lueur de surprise inquiète. Sans doute remarquait-il l'altération de sa physionomie. Il demanda « Comment va Mao ?»« Pas mieux, hélas, je suis de plus en plus tourmentée. »« Que peut-elle avoir, la pauvre petite ?» dit monsieur de Camparennes. « Ses médecins ne peuvent donc pas découvrir la cause de son mal ?» Lionel parlait hier de faire venir de Lyon le professeur Guesbre. « J'espère que ce sera inutile, qu'elle va aller mieux, » murmura Gemma. Salvatore se taisait. Il regardait la jeune fille qui avait pris place à la table près du comte. Lui ne se rassit pas. Il prit congé de son grand-père et de Gemma et s'éloigna, le front soucieux. Quand elle eut terminé son travail avec monsieur de Camparennes, Gemma alla s'asseoir à une autre table sur laquelle étaient déposées quelques pièces des archives de Bruxelles qu'elle avait eu l'intention de compulser aujourd'hui. Elle les feuilleta d'abord machinalement, puis s'efforça d'y accorder quelque attention pour écarter les lancinantes pensées qui hantaient son cerveau. C'étaient des lettres datant du XVIIe siècle à son début. Elles étaient adressées au comte Louis Bénigne de Camparennes par le comte Mario Camparini. Il y était surtout question de leurs ancêtres, sur lesquels Louis Bénigne avait dû demander des renseignements à son cousin, qui possédait les archives de la famille Camparini. Gemma parcourait distraitement du regard ses feuillets jaunis. Mais son attention, tout à coup, se fixa sur l'un d'eux. Donc Mario écrivait « Ce que vous me demandez là, mon cher cousin, touche un point pénible dans l'histoire de notre race. » Dont César et Camparini, notre aïeul, fut-il un grand empoisonneur, comme on l'a prétendu, sans jamais apporter aucune preuve à l'appui, je dois, hélas, répondre par l'affirmative. En examinant un meuble qui lui avait appartenu, avant de le faire réparer, je découvris un petit compartiment secret où se trouvait cette note. Manière de préparer le poison infaillible qui ne laisse pas de traces, que l'on respire comme un délicieux parfum sur une fleur, sur un gant dont on l'imprègne. Suivez le détail de la préparation. J'ai brûlé cet horrible papier, mais il était indiqué que ce n'était qu'une copie. Où se trouve l'original, malheureusement, je l'ignore. Vous voyez donc, mon cher cousin, que les accusations contre Don César étaient bien fondées. Le papier tremblait entre les mains de Gemma. Dans cette pièce si bien chauffée, elle se sentait tout à coup glacée. Le poison sur une fleur, le poison, était-ce possible? Cependant, cet affreux soupçon n'avait-il pas pénétré en elle depuis quelques jours sans qu'elle osât s'y arrêter? Et ces paroles de Zora, la belle rose qui tue? Elle savait donc, elle? Dans quel volume avez-vous pris ces renseignements sur Madame de Croyat, Gemma ? Demandait Monsieur de Camparennes. Elle eut l'impression d'être réveillée d'un cauchemar affreux. Pendant un moment, elle fut incapable de répondre. Enfin, elle se ressaisit, donna le renseignement demandé, mais d'une voix si troublée que le comte demanda « Qu'avez-vous, mon enfant ? Je me sens un peu souffrante, de la migraine, je crois. » « Alors, allez vite vous reposer. Laissez ces paperasses. Toujours rien de sensationnel ?»« Mais non, monsieur. » »« Rien de sensationnel, grand Dieu !» Elle remit les papiers dans la chemise où ils se trouvaient précédemment, mais conserva le feuillet révélateur qu'elle put glisser dans son sac pendant que monsieur de Camparennes lui tournait un instant le dos. Quand elle fut dans sa chambre, elle s'affaissa dans un fauteuil, le cœur battant, les tempes humides de sueur. Il fallait agir, prendre des mesures pour préserver, pour sauver Mao. Mais que pouvait-elle faire seule? Salvatore, il n'y avait que lui, ici, qui pût lui venir en aide. Il fallait lui confier l'affreuse chose. Ce soir, il était trop tard, mais demain, elle irait lui révéler tout. Demain, ah, que d'heures encore à passer! Que d'heures pendant lesquelles, dans son cerveau plein de fièvre, reviendrait sans trêve la pensée du drame horrible qui s'était déroulé ici. Peut-être depuis le premier mariage de Lionel. Il s'occupait depuis longtemps de recherches sur les parfums. Il en avait composé, dont il vendait les formules à des fabricants. Gemma en avait là, dans d'élégants flacons qu'il lui avait offerts. N'était-il pas possible que l'original de la note découverte par Don Mario fût tombé entre ses mains? Et alors? Gemma se couvrit le visage de ses doigts glacés. Non, ses imaginations étaient trop horribles. Il fallait les chasser en attendant que Salvatore eût donné son avis. Elle sonna, demanda à Aurélie d'aller l'excuser près de Madame de Camparène si elle ne paraissait pas au dîner à cause d'une migraine. La femme de chambre l'enveloppa d'un coup d'œil soucieux et demanda « Mademoiselle prendra quand même quelque chose pour dîner ? J'essaierai de prendre un potage. Madame Mao n'est pas plus malade, mademoiselle. Mais non, j'espère même qu'elle ira mieux maintenant. » Ah, je voudrais tellement la voir guérir, parce que, elle aussi, elle encore... Aurélie n'acheva pas sa phrase, mais Gemma comprit que le soupçon était entré dans son esprit.